creeping from the wandering. And there's a young set of hours to days with a tendency to fluctuate. Can you touch it on a penny time? What's the activity to make you move? When I touch it, does that make you feel a certainty that I'm your real? Can you touch it on a penny time? With everything kind of wandering. And there's a young set of hours to days with a tendency to fluctuate. Can you touch it on a penny time? What's the activity to make you move? When I touch it, does that make you feel a certainty that I'm your real? Alors, moi, j'ai de l'intelligence à donner. Quand tu donnes, c'est gratuit. Hein? C'est quelque chose que je veux pas non plus transiger. L'argent, il n'y a pas juste ça dans la vie. Là. Mais, quoique, un petit peu de bidou peut rendre le minou plus soyeux. Hein? J'ai dit un petit peu de bidou. Oui? Peut la rendre plus soyeuse. Qui ça? Sa joyeuse. Oh! Alors, c'est ça, j'ai l'intelligence à vendre et à revendre, là. Au début, vous l'avez entendu? Ouais, tu voulais la donner. Ouais. Mais là, lorsqu'on veut remettre gratuitement, les gens se doutent de quelque chose. C'est peut-être brisé. Oh mon Dieu, il n'en veut plus parce qu'il y a quelque chose. Il y a anguille sous roche. Qui ça? Anguille. Ah, pas la belle anguille. Ah. Quand elle se love comme ça là, à travers les cailloux, là, hein? Elle nous dit « J'arrive, attention, j'arrive, attention. Je... » Elle hein? contourne la roche. Elle trouve la courbe. Elle l'épouse. Ah, mon Dieu. Mais, Monsieur Thibodeau? Oui. Voulez-vous épouser cette roche? Ah, mon Dieu, j'ai à peine de se lever dans ma vie. Regarde-moi la bedaine. Non, c'est le bedon. Le bedon, la bedaine, la tétine. Non, mais se lever sur quoi? Sur qui? Sur elle? Ah, mon Dieu, elle est belle. Oui. Elle est douce. Oui. Elle est crémeuse. Ah, mon Dieu! Ouais, mais c'est quoi, ça, c'est à travers ces roches-là? Ah, ça, c'est du vert de gris. Ah, mon... Ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé, la belle. Alors, voulez-vous la rencontrer? Ben là, je la vois, là. Non, non, mais Slovela. Slovela. Je connais la Slovénie, là, oui. Et la Slovela, sais-tu... Est-ce que c'est en Russie, ça? Non, non, non, c'est dans le ruisseau. Ah, mon Dieu! On m'a jamais dit qu'il y avait un pays dans un ruisseau. Non, ça, c'est comme ma femme. Oh, qu'est-ce qu'elle a, votre femme? Ben, elle dit, fais pas une tempête dans un verre d'eau. Fais pas une tempête dans un verre d'eau. Exactement. Oh. Sinon, l'eau va bouillir. J'ai jamais entendu parler de ça. Moi, fais pas, sinon l'eau va bouillir. Oui. Puis ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? Ben, elle dit qu'il faut mettre de l'eau dans son divin. Oui. Et divin, dis pas 21. OK. Dis 22. OK, 22. 23. 23. 24. 24. Comment on dit ça? Ben, 24. 24. 2, 4. 24. 2, 4. 24. Ah oui, OK, 24. Alors là, tu veux que je slove cette pierre? Ben là, pas cette bière. Non, non, j'ai pas dit cette bière. J'ai dit cette pierre. Pierre. Pay, c'est capote. Un petit pierre. Cette roche. Cette boule. Cette sphère. Cette matière. Oh, mon, dis pas matière. Oh, ça fait... Oui, c'est ça, mon... Ah, ben, je crois-tu vraiment, sincèrement, là, regarde-moi, là. J'ai épousé cette courbe. J'aimerais bien. J'ai le jonc. Je peux pas dire que je ne l'ai point. J'en ai même 18 parce que il y a 3 Russes. Il y a 5 Tunisiennes. Il y a 6 Africaines qui veulent m'épouser. Ah, oh, je suis tellement beau, moi, là. Oui, hein? Oh, je ragoûte tout un peuple d'étrangers, oui. Ils veulent mon corps. Ils l'ont remarqué. Donc, je vais me slover dans elle. Dans elle, homme, au pluriel. Ah, ben, au pluriel, pas très singulier, là. Ah, c'est de la bigamise. De la bigamise. Oh, mon Dieu. Alors, je vais me marier un peu partout, moi, là. Ah, j'aurais plus le temps de travailler. M'abandonner mon émission de radio. M'a abandonné ma patronne. Ah, mon Dieu, la patronne des flambeaux, là. Ah oui, c'est Sainte-Augustine. La poutine. La robine. Et puis, donc, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Ah, mon Dieu. La police va frapper à ma porte. Elle répond pas. Ben, ai-je déjà répondu à la police à part de leur dire bonjour, la police? Et là, c'est beau, toujours les comment t'appelles ça, donc les bretelles, non pas les bretelles, les menottes. Oui, c'est pas des bretelles, les menottes. Ben non. Quoique après ça, c'est la camisole de morse. Oh, ar. Les morses avec les grosses cornes d'abondance, là. Mais plus ça abonde, plus ça étire, ça, là. Puis là, tu veux que je slove cette pierre? Hey, j'écris. Oh! J'écris le résultat de mon intelligence, c'est-à-dire 0, 0, 0. Oh! Autant de zéros, autant de cellules qui éclatent dans mon cervelet. Oh! Pourquoi tu comme ça? Oh! Pour faire de l'ambiance. L'ambiance. Avons-nous besoin d'ambiance à cette émission? Membre d'Errance Rénaldienne, faites du bruit! Y a-tu des membres à cette émission-là? Ça fait. J'ai rien entendu. Ben, tu l'as pas crié assez fort, mon Gaétan. Attends un petit peu. Y a-tu ce micro-là? Y a de la puissance dans ce micro. Sommes-nous captés par CQRL? CQRL est-elle là? Ben, elle est toujours là. Oh, la belle CQRL. Ne m'abandonne pas. Je te ferai des mots insensés. Je te créerai. Kiki, arrête à voir te fermer. Je te créerai. Le verbe croire, oui. Ah, les gars, je vais t'amouracher, je vais t'embracher, je vais te chercher partout. Ben, arrête là, partout. OK. C'est quoi, RL? Oui, c'est. Hein, c'est... Avez-vous entendu c'est quoi, RL? Elle a dit oui. Ben, c'est. Non, c'est. C'est Gaétan qui crie tout le temps oui, hein. Elle s'imagine à l'émission The Price is Bright. The Price is Bright. Pas très brillant, cette émission-là. Mais non, Bright, on cherche la lumière. Ah, mon Dieu, au bout du tunnel. Alors, il n'y a pas de membre à CKRL. La preuve, il n'y a pas de membre. Il y en a toi. Ben, le mien, c'est un. Excusez-moi, mademoiselle, que vous voulez m'épouser. Là, t'as les Tunisiennes, les Africaines, les Russes. Quoique, je préfère une Russe, moi, là. Ah, oui, deux, trois Russes qui fournissent la vodka. Il n'y a pas de problème. Je suis prêt à en marier quelques-unes. Ben là, trois, c'est déjà beaucoup. C'est déjà. Divise ton salaire en trois. Mon salaire se limite à mon intelligence, donc c'est rien. Rien divisé par trois, c'est rien. Rien, c'est déjà beaucoup. Oh, monsieur! Alors, on continue. Membre des rangs rénaldiennes, faites du bruit! C'en est douteux, là, mais... Gaétan, on arrête ça, cette émission-là? Il n'y a personne qui crie? Attends, madame! Oh, elle courait pas, madame! Vous allez vous crever les yeux! c'est pas refait, ça, là! Hein? C'est vous cinq! Ah, c'est merveilleux! Vous êtes 18 enfants! On l'aurait pas cru, hein? Ils ont pas été tout à l'été. Oui, ils ont été allés chercher ça, là! Oh, mon Dieu! C'est pour ça que vous avez des yeux beurre noir! OK, membre de CKRL, faites du bruit! Bon. On a un perdu dans le nénuphar, là. On a quelqu'un qui cherche sa... Prenez la madame qui est là, la dame qui est là, là, qui court, là. Vous voyez ça, là? Oui, fermez vos yeux, monsieur. Ça semble affreux, mais collez-vous sur elle, vous allez sentir l'amour éternel. Amen. Amène de l'amour à profusion. Bienvenue à l'histoire. On n'a même pas commencé l'histoire. C'est un jour comme les autres. Comme les autres, presque comme. Presque toujours. Bref. Maintenant, bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre court-circuiteur de réalisme rénal de l'Enéant gagné, Monsieur le Président. Monsieur les patrons catholiques et cathodiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone et rance rénaldienne. En arrière de toi, il y a un fantôme, hein? Non, c'est pas un fantôme, c'est mes couettes, c'est mes cheveux. Aux 80, on n'était pas des pouettes, on était des pouettes. Connaissez-vous ça, des pouettes, vous? Hein? Des pouettes. Des... Voyons donc, êtes-vous francophone, vous? Anglophone? Pardon? C'est un Français, ça comprend rien. Français qui comprend rien? Pardon? Oh, un Belge. Un Belge? Pardon? Oh, mangez donc du pardon. Mangez du pardon, monsieur. Deux fois par semaine, au lever ou couché. Alors, deux fois, vous choisissez. Moi, je vous conseille le mercredi et le dimanche. Le pardon se digère très bien. Oh! Dans le micro-ondes, là. Puissance maximale, pas d'eau là-dedans, ça vire en vinaigre, puis si vous mangez du vinaigre, vous allez vous sentir comme le petit Jésus sous l'éponge. Là. Vous vous rappelez l'éponge? Non? OK, vous vous rappelez du petit Jésus? Non plus. Est-ce que vous vous rappelez? Rappelez-vous de... Êtes-vous là? Existez-vous? Vous n'êtes pas dans... Vous gagnez dans... C'est maintenant là. Un blanc. Un gros blanc. Moi, c'est le gros noir, là, mais le gros blanc, c'est vous, ça. Donc, consécuteur, à quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Il me semble que ça sent la bonne émission ce soir. Ça sent la bonne émission. Si vous voulez en sniffer, là, préparez-vous devant votre radio. OK? La narine, mouchez-vous avant parce que j'aimerais ça que vous en preniez une bonne respiration d'errance rénaldienne. Ça va vous commutater. Hein? La catégorie, c'est moins 6, moins 10, sous la dépression nerveuse de mon intelligence précaire. Alors allez-y, madame, mouchez-vous, OK? Un, deux, trois, des beaux calgots, des beaux petits cadeaux. Mais c'est il y a un petit sac en plastique, mettez ça là-dedans. Envoyez ça à Rénal Gagné. 405 3e Avenue, il n'y a pas d'appartement. Dans un petit sac en plastique, ou donnez ça à la secrétaire de la CKRL, elle me remettra ça en main propre, et je toucherai moi-même votre intuition étrange. Attention, Facebook. T'es dégueulasse, toi. Mais non, non. Notre public nous envoie des cadeaux. On les prend, les cadeaux, on y touche. Hein? On prend ça en considération. On aime ça, des cadeaux ici. Attention! Facebook veut une... Imaginez-vous. Plein de petits cadeaux de même. Attention! On va faire attention, là. Merci de nous le dire. Hein? Attention. Alors, dis-le une fois. Attention. Oh. Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Ça, à volonté, là, c'est un peu comme dans un restaurant qui tient, qui veut attirer sa clientèle. Il y en a comme ça. Ça va mal. Hein? Si tu regardes le bilan financier, il est catastrophique pour attirer les poissons. Un achat et le reste est gratos. Alors, tu prends quelque chose de moins cher. Le café, c'est pas cher. Un verre d'eau, pas de glace. Moi, mon restaurant, ce serait des verres d'eau, pas de glace. Voulez-vous qu'on vous refroidisse votre verre d'eau, pas de glace? S'il vous plaît. On garde le même verre. Oh, ben, si vous pourriez changer. On garde le même verre. Ben, pourriez-vous... On garde le même verre. On garde le même verre. Vous avez, c'est de l'eau de toilette A1. Amandou. Québécoise. Oh! Directement sortie de nos... De nos quoi? De nos eaux mystérieuses. On aime ça, le mystère, nous. Ben voilà. L'absurde aventure de l'errance renadienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal de Gagné. Aujourd'hui... Le vendredi 27 avril 2012, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. J'ai dit 27 avril 2012. Tu l'as dit? On l'a dit. Monsieur, vous vous souvenez qu'on a mentionné? Pardon. OK. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la chanteuse Izzy. Izzy en marche. Izé est en marche. Izé est en route. Sa voix rock l'affirme d'emblée. Auteur, compositrice et interprète à la croisée des chemins entre rock et chansons françaises, Izé s'est construit un univers bien à elle. Elle force sa force de vivre sur fond de rodéo massacre. C'est une ivresse au goût sensuel, une lumière dans le noir faisant vibrer les limites du masculin et du féminin. En juillet 2011, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette dame de la chanson. Un voyage chargé pour cette nuit printanière. Faut-il s'arrêter ici? Oui! Oui! Oui! New York, New York, New York, New York.

summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song, and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind, like painted kites, those days and nights, they went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you, I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone. And still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never end? My fickle friend, the summer wind. The summer wind, warm summer wind. The summer wind. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. Town Blues. start of it. In old New York. And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York. Monsieur? Pardon? Pardon, c'est... Non, c'est pas pardon. J'espère que vous avez reconnu ce chanteur, même c'est un acteur, c'est un grand, très grand, tellement grand qu'il doit se pencher pour... ben là, mais plus maintenant. Hein? Non, je ne ris pas de, du pauvre monde, moi, là, là. Quoi qu'il n'était pas si pauvre que ça, là. C'est frais. Je m'en excuse. Je voulais pas ridiculiser. Bon. Le vrai du faux. Il faut dans notre société trouver, dégager ce qui est la vérité et le mensonge. À Québec, au Québec, nous avons un journaliste, mais pas vraiment un journaliste. Il n'y a pas de formation journalistique. Mais c'est un criminaliste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce qui est dans le monde judiciaire. Et j'ai nommé Claude Poirier. Claude Poirier, à son émission, parce que sous le réseau, non, j'ai pas dit sous, là, j'ai dit, ben oui, j'ai dit sous, mais S-O-U-S. Nice and clear and fresh, my son. I clear. Hey, monsieur, oui. Connaissez-vous Claude Poirier? Claude Poirier! Le vrai, oui, je connais uniquement un Claude Poirier et c'est le vrai. Il n'y a pas de faux là-dedans, là. Quoique, à son émission, le matin, très intéressante pour les gens qui veulent creuser le deuxième et le troisième sens des émissions télévisuelles. Deuxième ou troisième sens. Premier doigt, deuxième doigt, oui, le doigt d'honneur. Mais monsieur Poirier ne me ferait jamais ça à moi, là. On se connaît même pas. Je n'ai même pas serré la main. Je n'ai même pas dit 10-4. Puis, Roger, m'entends-tu? À 2, 10-4. Puis, Claude! Claude! Ouais, ouais. OK. Hey, nous avons en ligne Claude Poirier. Claude! Ouais, ouais. Hey, Claude Poirier! Pourquoi? Premièrement, ça, là, je suis tout excité. Je suis comme une lycéenne en vacances, voilà, là. Ouais, ouais. OK. Mais ce que je viens de dire, là, M. Poirier, là, c'est légal, là. Ouais, ouais. Vous n'allez pas mettre les policiers à mes trousses, là? Ouais, ouais. Ah oui? Oh. Alors, je dois me taire. Thierry Beaudoin, peux-tu appeler, s'il vous plaît, le FBI? Qui ça? Le FBI? Es-tu malade? Non, je ne suis pas malade. Es-tu fiévreux? Fiévreux? Gaétan, peux-tu prendre de ma fièvre? Ma tension maternelle? Peux-tu prendre quelque chose? Comment ça? Il y a juste des... un thermomètre rénal? Oh, mon Dieu, ça se rend où, ça? Oh, je dois me lever. Ah, tu vas me rentrer ça dans le rénal. Oh, c'est monsieur. C'est où, ça, le rénal? Aïe, aïe, c'est là. Oui, OK. Combien de temps? 3 minutes. Pourquoi je fais de la fièvre? Claude Poirier? Ouais. OK. Là, on s'imagine que j'ai des petits problèmes neuronal. Pouvez-vous m'enlever ça? On dirait que j'ai la voix qui monte des octaves. C'est quoi? C'est le gars? OK. 2 minutes 25 secondes. Ça va bien, M. Poirier? Oui, oui. OK. Hey, M. Poirier, on va déclarer des affaires, on va comprendre des choses. Il faut s'ouvrir au monde, quoi. On est dans une société où la compréhension a une place dans cette... Hein? Vous comprenez ce que j'ai voulu dire, M. Poirier? Oui, oui. OK. Hey, vous êtes un homme là qui avait rencontré les pires criminels. Hein? Tiki Baudot, l'avez-vous vu, là? Oui, oui. Oui, ben écoutez, ce gars-là n'a rien fait encore, mais je sens qu'il va m'étrangler dans les secondes qui suivent. Alors, si vous voulez passer au 405, 400... Je vais vous donner l'adresse, monsieur Boirier. Vous êtes à Montréal. Moi, je suis à Québec. Mais pourquoi on vous dit... Monsieur, excusez-moi, là. Je m'excite, là, parce que j'ai quelque chose dans le surrénal, là. On dirait que ça me monte les hémorroïdes, hein? Non, c'est pas... Oui. En tout cas, c'est une autre histoire, ça, monsieur. Vous allez rester là, là. Vous êtes patient, j'espère. Oui, ouais, pas très bien. Oui, je vous vois à votre émission. Là. Je vous regarde, je vous écoute. Moi, là. Je vous analyse. Moi, j'ai une formation universitaire. Moi, je suis pas un imbécile, moi. Là. Quoi qu'il y a des imbéciles universitaires, là. Je fais pas de grève, moi, là. Là. Je suis un homme, hein? Grève. Scolarité. Pas d'argent, moi, là. Pas d'argent. Pas d'étudiants, pas d'argent. Pas de monde au 18e. Je m'en sacre tout le monde. Hein? Non, non, sac. Non, je suis dans ma cage. Je dis sac. Dans la cage. Est-ce que je me mets dans le trou, M. Poirier? Bon, mais ça, là. Alors, le vrai ou le faux? Claude Poirier, pourquoi on dit le vrai négociateur? Est-ce qu'il y en a un faux? S'il y en a un, qui est-il? Un policier, monsieur? Oh, tabarnak. Hey, attention, là, M. Poirier, là, vous dites quelque chose, là, qui pourrait animer une société, qui pourrait peut-être faire un chaos. Vous savez ça, monsieur. Monsieur qui? Monsieur Poirier, Monsieur Poirier, avec moi, toutes les alternatives de cette phrase que vous avez dit d'une manière un peu relâchée. Ouais. OK, c'est ça que vous avez dit, ouais, OK, comme de beau, ça va bien, ouais, ce soir, mon petit craton, j'étais beau, ouais. Vous envoyez ça en l'air, les petits mots comme ça, mais vous êtes un homme sérieux, monsieur. Votre émission, là, vous souriez pas souvent, là, mais quand je vois un petit rictus, je me dis, hey, c'est un humain, ça me fait plaisir. Le vendredi, là, lorsque vous dites bon, ben, bonne fin de semaine, j'aimerais ça qu'il y ait un petit sourire, là, pas arrêter de grogner bonne fin de semaine. On dirait que ça vous dérange, là. C'est vrai que c'est pas une émission de variété, là. On vient de tuer 3-4 personnes, puis assassiner Mme Tremblay. Mais, non, pas encore. C'est plus tard, ça. OK, c'est plus tard. Le FBI, il est pas votre trousse, monsieur. Mais là, le vrai, qui est... Comme je disais, le faux, c'est... On le nommera pas, là, mais c'est pour ça que vous voulez vous placer sur le sommet, sur la cime des télédiffuseurs, j'allais dire radio. Vous faites de la radio aussi, mais à mon à mon grand respect, c'est à mon rénal. Ils me l'ont enlevé, ça fait du bien. On dirait que la voix est tendue. Non, monsieur Poirier, on veut pas chanter ici. On est sérieux. Pendant 2 secondes, c'est terminé. Le vrai négociateur. Bravo pour votre beau travail, continuez, puis je remplirai pas votre cellulaire. Quoi, c'est pas le cellulaire qu'on remplit, non, c'est le répondeur. Moi, quand on m'appelle sur le répondeur, je réponds jamais. J'en ai pas de répondeur. J'ai pas les moyens financiers. Shoot that line, 'cause the oldest fiddle.

ciao, dans ma décaisson. Ok. Le but, c'est de faire peur. Comme disait mon ami Renaud. Tu l'as mentionné plusieurs fois. Oui, je le sais. Je le sais, je l'ai dit souvent aussi. Puis il y a bien des trucs qui se refait et qui se repèrent dans une réalité tout à fait déstructurée. Tu l'as pas dit. Tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. J'aime pas la vie, j'aime pas l'amour. J'aime que le yaourt, le yaourt, il y a du yaourt. Il y a du... Oui, madame. Il y a du yaourt dans l'ire. Ce soir. Ah oui, mais hein, il y a du... Et en fait, je parle à ma technicienne. J'ai des yaourts dans l'ir. Et moi... Je bois du noir, comme on aime ma chance. Là, ici maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Butkowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première... C'est la première... On est heureux! Comment ça? Tu mets de l'intonation. Oh! C'est la première fois que vous me dites ça, madame. Pourquoi c'est... Ben, mais c'est vrai, on a senti l'acteur studio en toi. Ah, mon dieu. Marlon Brando, ouais. OK. Al Pacino, ouais. Robert De Niro, ouais. Le Tigeonneau, ouais. Sors de ce corps. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le... nous suggérer une improvisation. Comment, OK? Une improvisation. OK, t'as pas ça? Non, c'est, j'ai glissé là-dessus. Il y avait de la neige. Sans savoir qu'en dessous de la neige, il y avait de la glace. J'ai donc patiné. Vous l'avez entendu? Oui, je l'entends. Vous m'entendez? Malheureusement, oui. OK. C'est gentil, monsieur Val. Très bien, merci. 10-4. Roger. Donc, laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck, les amis. Oh! Tweet, la première phrase. Est-ce que je veux dire le titre? Non, la phrase. Ça m'arrive souvent. Vous vous souvenez, madame? Ah, régulièrement. Ah, mon Dieu. C'est comme ça dans la vraie vie. Oh! Qu'est-ce que la vraie vie? Ben, c'est en dehors de tout ça, là. Quand il n'y a pas de fluff, là. Oh! Quand il y a du blabla. Du blabla. Du blabla. Là, il y a du blabla. Ben oui, mais c'est la vraie vie, Rance Canadienne. Plus il y a de blabla, plus il y en a là qui nous écoutent. Là, là, là. Là, maintenant. Là, maintenant, ici. Attribuons la place. On a le dit, OK. On a le dit. La première... êtes-vous audible? Je suis très audible. Première phrase. Ils ont tiré... Aïe, aïe, et moi, lorsque j'ai déménagé il y a quelques semaines, j'ai tiré mon réfrigérateur. Oui. Mais ce que j'ai oublié de faire... C'est quoi? C'était le branche... Non, c'est pas de le débrancher, monsieur. Je vous voyais venir. Tu me vois, hein? Je te vois très bien, petite quatre. C'est pas de débrancher, c'est que... J'ai oublié de le vider. Oh, mon Dieu! Il y avait du ragoût de la semaine dernière. Oui. Il y avait... Des carottes, 25 livres de carottes que j'avais épeluchées moi-même parce que ça me tentait cette journée-là d'éplucher 25 livres de carottes. Même pas cuites, là. Dans le petit récipient à légumes. Qui? T'étais dedans? J'étais dedans. Avec les légumes? Je me sens bien avec les légumes, oui. On dirait que j'ai un dialogue d'égal à égal avec le légume. Je sais pas, je lui dis, comment ça va, mon petit céleri? Puis il me répond, waouh! Écoute, je sais que je vais me faire manger. Hé, hey, chanceux! À quelle heure? Quand? Là? Je peux-tu te remplacer? Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. On va me rajouter du sel. Aïe, donc, ça brûle, hein? Ben non. Ben, mes camarades m'ont dit que ça n'a jamais brûlé. Ah! C'est bizarre, moi, si on me rajoute du sel, ça va brûler. Bon, OK. Alors, la première phrase. Arrête, mon Bukowski sort de ce corps. Non, reste. Charles, je t'aime beaucoup. Puis j'aimerais bien que tu ne t'éloignes pas de mon sujet. Qui est? Qui est qui? Qui est qui? Est, qui est moi? Qui est nous? Qui est moi? Alors, ils ont tiré la sonnette, les deux frères. Ben oui. Puis là, quand ils tirent la sonnette... Est-ce qu'il a indiqué tirer? Ben oui, tirer. Nous, on presse sur la sonnette, mais aux États-Unis, là, on tire. Au Québec, on sonne, on presse, puis là-bas, on tire. Quoique ça fait pas gling-gling, ça fait apading, apading, apading, tout tombe là. Ah, tous les bibelots, c'est l'Arc de Triomphe. Non, non, ça c'est pas. C'est à Paris. Ah oui, c'est quoi les. La mèche là, la avec la flamme là, comment t'appelles ça? L'Empire Sting Building. Ben non, c'est pas l'Empire Sting Building, je sais pas le témoin de Jéhovah, c'est la Statue de la Liberté. Hey, tu te souvenais plus de ça? Mais je me souvenais même plus de la Statue de la Liberté. Oh, tu connais pas les États-Unis? J'essaie d'oublier les États-Unis parce que je suis collé dessus. Hein. C'est comme une rencontre que je voulais jamais faire. Là. Ça me fait un peu cet effet-là de mariage obligé. Mais moi, je me désoblige rapidement et je ne veux jamais adhérer quand on m'amène quelque chose. Il suffit de me dire, tu vas faire ça que je ne le ferai pas. Pour moi, c'est ça, une petite lueur de liberté. Une petite lumière au bout de quelque chose qui peut me sentir en dehors des sentiers battus. Puis là? Ben, je bois pas, moi. Je n'ai jamais battu, puis sinon, on m'en aller en prison. Oui. Puis là, les prisonniers, quoi? Ils vont me donner des trucs. Ils vont te donner... Ben oui, pour faire des choses beaucoup plus... Je vais monter en haut de la hiérarchie! Clandestine! Je risque d'aller dans les banques. Oui. De faire des retraits. Oui. D'ouvrir d'ouvrir des comptes en Suisse. Oui. Et des banques... Oui, des banques quoi? Ouais. Des banques de sperme. Oui. Oui. Il y a quelques semaines. Oui. Arrête de dire oui, toi, là! Il y a quelques semaines, excuse-moi, là, je me suis réveillé moi-même. Il est quelle heure, là? Dona, il est quelle heure? Sous l'écho de mon intelligence. Ah, oh, il n'y en a pas. Oui, mais moi, j'entends pas arriver. Moi. J'entends pas tout court. Mais je crois que. Qu'est-ce que c'était quoi ta question? Il n'y en a pas de question. Ben, il y en avait une, là. Oui, mais. Oui. Mais quoi? Oui, mais. Non, non, non. Janvier, février, mars. Avril, mars. pouvons-nous reculer? On recule, attends un petit peu, là. On a les moyens de reculer. Avril! Le dernier vendredi d'avril. Et comme le chantait Becco, c'est en avril. Non, c'est en septembre. Ah, voyons, c'est pas... C'est en avril. Mais tu t'es fait passer un poisson. Un poisson? Un poisson flottant. Mais j'espère qu'il flottait, là. Sinon, je ne l'aurais jamais mangé. Il ne faut pas manger de poisson. Pourquoi? Ça donne des hématomes. Oh! Les gens ne savent pas ça, que ça donne des hématomes, manger du poisson. Si vous rajoutez du citron, ça mange l'hématome. Si ça mange l'hématome, là, votre matière grise risque de se recycler en végépâté. Et du végépâté sur du pain croustillant, c'est délicieux. Vous passez même pas ça dans le four, s'il vous plaît. Vous gardez ça pour vous et vous badigeonnez avant de beurre, parce que le beurre, c'est essentiel à la vie. Pas de margarine. Éloignez la margarine. N'achetez-en pas. C'est pas pour nous. Nous, c'est de la crème dans le café et c'est du beurre sur le pain. C'est simple. Vrai. Et délicieux.

J'écris beaucoup sur clavier aussi. J'ai du mal à écrire avec papier crayon. Nouvelle c'est... génération. Peut-être, ouais. Mais oui. En tout cas, c'est plus. Je l'ai décidé peut-être ainsi. C'est plus naturel d'écrire sur clavier. Puis Word en plus trouve nos fautes, alors ça paraît plus beau. Ouais, voilà. Vous entendez, Errance Reynaldienne. Avec votre animal précaire, Reynaldianier, à CKRL 89.1 à Québec. Ah, dites-moi donc, mademoiselle, qu'à vous dans ce panier. Ah, dites-moi donc, mademoiselle, qu'à vous dans ce panier. Tourne ma roulette, qu'à vous dans ce panier. Tourne ma roulette, qu'à vous dans ce panier. Oh, oui, je t'en plains. Tourne ma roulette, qu'à vous dans ce panier, là. C'est des oranges, monsieur, en acheteriez. Vous pointez des oranges, monsieur, en acheteriez. Tourne ma roulette, en acheteriez. Tourne ma roulette, en acheteriez. Oh, oui, je t'en plains. Tourne ma roulette, qu'en acheteriez vos points. Mais dites-moi donc, monsieur, quelle envie avez-vous? Mais dites-moi donc, monsieur, quelle envie. Tourne ma roulette, quelle envie a, tourne ma roulette, quelle envie a, oh oui, je t'en plains, tourne ma roulette, quelle envie avez-vous? L'envie que j'ai, mademoiselle, ce serait de vous embrasser. L'envie que j'ai, mademoiselle, ce serait de vous embrasser. Tourne ma roulette, ça serait de vous embrasser. Tourne ma roulette, ça serait de vous embrasser. Oh oui, je t'en plains, tourne ma roulette, ça serait de vous embrasser.

Mustang. Merci, on se retrouve la semaine prochaine à CKRL, le 89.1 à Québec. 89.1! Il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule. 89.1! 1-1-1! Un pour tous, tous pour un! Et son sourire qui étincelle, elle est sa terre, il est son ciel. Elle, il voudrait lui être fidèle, tandis que son corps se rebelle. Et où

j'attendrai qu'ils me reviennent sous les pluies diluviennes, dans la chaleur diluée. J'attendrai qu'ils m'aient rêvé. Ils coulent encore dans mes veines comme un poison lumineux. J'attendrai qu'ils se souviennent que nous avions des jours heureux. Vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Viannier, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Viannier ou Errance Reynaldienne. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.